Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce Cinéphage numéro 230, spécial On ira, le film d'Enya Barou, qu'on avait vu dans la série Fleur Bleue, en actrice principale et réalisatrice, et que j'avais découvert dans le film Les Visiteurs du Futur. Donc ici, on la retrouve aujourd'hui pour ce film On ira, qui est sa réalisation. On a retrouvé donc cette sympathique et énergique réalisatrice après l'avant-première à Tours lors de la conférence de presse organisée par notre partenaire les CGR Centre et Mehdi Belhadj, son sympathique directeur, grâce à laquelle Cinéphage a pu connaître donc les coulisses du tournage de ce film On ira. Ce film, très émouvant, aborde le thème de la mort assistée à travers un road trip vers la Suisse de quatre personnages aussi divers qu'attachants. Ce sujet d'actualité est ici abordé d'une manière mêlant humour et réalité dramatique, avec un catchword d'acteurs convaincants, dont les deux actrices principales, Hélène Vincent et Julia Diasquet, qui ont d'ailleurs été récompensées et reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de l'Alpe d'Huez 2025, ainsi que Pierre Letin et David Ayala, deux acteurs qui montent. On découvre aussi les problèmes inhérents à la fin de vie assistée, la lourdeur et la bêtise de l'administration et de sa hiérarchie, l'empathie des aides-soignants pour leur métier et leurs patients, mais aussi la place de l'homme dans cette fin de parcours de vie et ses différentes croyances. Un film passionnant, porté par un très bon casting, comme je disais, d'acteurs qui ne laissent pas indifférents, spécialement de nos jours où les politiques et législateurs restent assez frileux sur le sujet. On commence donc par un extrait de cette interview où la réalisatrice va nous parler de la genèse du film et du choix des acteurs. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes avec Enya Barou qui vient présenter en avant-première son film On ira. Alors bonjour Enya tout d'abord. Bonjour, ça va? Oui, ça va depuis hier soir puisqu'on a eu l'occasion de s'entrevoir lors de l'avant-première qui était faite avec notre partenaire les CGR Tours Centre. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, succinctement pour les auditeurs, et puis nous parler un petit peu de la genèse du film? Oui, alors je suis Enya Barou, je suis réalisatrice, scénariste et comédienne également. Pour ce projet-là, On ira, je suis uniquement scénariste et réalisatrice. C'est un projet que j'essaye de faire depuis 7 ans, qui s'est financé finalement il n'y a pas si longtemps, il y a un an, et qu'on a tourné l'été dernier, qui sortira en mars. Et voilà, c'est un film qui rend hommage à ma grand-mère, qui parle de la fin de vie de Marie, un personnage de 80 ans qui en a marre, qui est malade et qui veut finir ses jours, avoir recours au suicide assisté en Suisse, et qui va pas savoir comment le dire à sa famille, et donc va leur mentir, leur inventer une histoire d'héritage pour les embarquer avec elle dans un road trip en camping-car. Et voilà, c'est un sujet un peu dur que j'ai voulu traiter en comédie. Et voilà, avec des acteurs que j'adore, qui sont Hélène Vincent, Pierre Letin, Juliette Gasquet et David Ayala. Eh bien justement, bonne transition, je vais vous demander comment s'est fait le casting. Bon, je sais qu'il y a des adeptes du casting intégral, il y a des gens qui ont en tête en écrivant des acteurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre choix de casting? Ouais, alors d'abord, la première qui a été choisie, c'est Hélène Vincent. J'étais fan absolue de cette actrice depuis La vie est un long fleuve tranquille et puis plein d'autres rôles qu'elle a interprétés que je trouvais absolument géniaux. Elle avait une grosse ressemblance avec ma grand-mère, donc ça me perturbait un peu et je l'ai contactée il y a 5 ans. Elle a lu le scénario, elle a demandé à me rencontrer. On s'est très bien entendu, elle a accepté de le faire et ensuite elle a patiemment attendu pendant 5 ans que le film se finance. Et voilà, elle m'a toujours soutenue, même quand moi, j'avais envie de baisser les bras. Donc ça, c'est la première personne à être arrivée dans le casting. Ensuite, c'est Pierre Letin, avec qui j'avais travaillé il y a 10 ans aussi, donc que je connaissais assez bien. Je lui ai proposé le scénario, il m'avait dit si jamais je suis disponible pour le faire, je le ferai, mais il avait beaucoup de tournage parce que cette année, Pierre Letin, c'est un peu la folie, quoi. Et j'ai eu de la chance parce que mon tournage ne durait que 25 jours. Donc en fait, il a trouvé 25 jours, il est venu tourner avec nous et c'était génial parce que moi, je n'imaginais que lui depuis toujours dans ce rôle. Et ensuite, les deux arrivants un peu plus tardifs, c'est David Ayala, que j'ai découvert l'année dernière dans la série d'Argent et de Sang, que j'ai trouvé absolument génial. Il jouait le rôle de Bouli. Je le trouvais trop fort et je me demandais pourquoi j'avais pas vu cet acteur plus dans des premiers rôles plus importants au cinéma, parce que je le trouve vraiment, vraiment super. Il a accepté. Et ensuite, Juliette Gasquet a passé un casting parmi une trentaine de jeunes filles. Et elle l'a obtenu haut la main parce qu'elle est très très rigoureuse et très très forte en tant que comédienne, jeune comédienne. En plus, bon choix, on peut le dire maintenant, puisqu'on est juste après le festival d'Alpe d'Huez. Ouais. Et il y a eu des belles récompenses. Ouais, les deux filles, exactement, Hélène Vincent et Juliette Gasquet, ont gagné deux prix d'interprétation ex aequo pour leur interprétation dans le film On ira, dans mon film. Donc, je suis trop contente. C'est une super récompense pour elles, pour moi, pour le film, pour tout le monde. C'est trop bien. Et puis voilà, elles ont vraiment créé une relation presque grand-mère-petite-fille entre elles dans la vraie vie. Donc, de les voir monter sur scène et récupérer leur prix, c'était un super moment, quoi. Oui, puis vous parliez de Pierre Lottin, et c'est vrai qu'on a eu la chance aussi de l'accueillir à Tours pour En Fanfare. Et c'est vraiment un comédien, bon, on l'a connu beaucoup grâce aux Tuches, mais je trouve que c'est là qu'on voit que c'est un vrai comédien, parce qu'il sait prendre des risques, il reste pas dans, comme certains acteurs ont tendance à le faire, dans un style. Et c'est vrai que c'est un acteur, et puis qui est, vous le connaissez mieux que moi, je le trouve très naturel. Ouais, bien sûr, il a un truc très spontané, très authentique. Je crois que les gens s'y retrouvent, les gens s'attachent à cet aspect de sa personnalité. Et effectivement, je crois que depuis toujours, Pierre, il a commencé par les cours Florent, il a commencé par des choses, par du théâtre assez classique. Il s'est retrouvé dans les Tuches par un casting. Mais en fait, je crois qu'il aime autant faire du cinéma d'auteur que de la comédie. Et c'est là où il est super éclectique et intelligent. C'est qu'en fait, il ne dénigre pas l'un ou l'autre. Il est à fond dans son rôle. Quand il fait son rôle dans les Tuches, il le prend à fond, quoi. Il l'interprète, il le crée, il crée un personnage de manière aussi rigoureuse que dans un film dramatique. Donc c'est ça qui fait que c'est quelqu'un de très très talentueux, et ça m'étonne pas qu'aujourd'hui ça explose pour lui, quoi. Alors, une chose qui est très importante, que j'ai remarqué dans le film, c'est la musique. La musique a un rôle vraiment prédominant, et on a des tubes, le fameux voyage, ouais. Mais à côté, on a une musique vraiment originale. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix, justement, de cette musique? Oui, bien sûr. C'est une compositrice qui s'appelle Dom La Nena, que j'ai découvert l'année dernière parce que je suis allée voir un film au cinéma qui s'appelait La vie de ma mère, de Julien Carpentier, que j'ai trouvé d'ailleurs très, très beau. Et dans ce film, il y avait une musique comme ça qui revenait souvent dans la même couleur. Il y avait beaucoup de violoncelle. Et j'ai tout de suite noté dans mon téléphone, chercher qui est la personne qui a fait cette musique. Et en rentrant chez moi, j'ai trouvé, donc c'était Dom La Nena, qui est une compositrice absolument incroyable, qui fait beaucoup de violoncelle. Et en fait, j'en ai parlé à ma production, je leur ai dit, voilà, moi je pense que c'est la couleur qu'il nous faut pour le film, parce que en même temps, il y a quelque chose de très orchestral, très... Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est des mélodies orchestrales, mais elle va le faire, elle, avec peu d'instruments. Donc en fait, ça reste des instruments d'orchestre, du violon, du violoncelle, du piano parfois, mais en fait il n'y a pas le nombre de gens d'un orchestre. Donc en fait, cet aspect très dramatique d'un orchestre existe de par les instruments qu'on entend, mais c'est assez épuré finalement, et je trouvais que ça correspondait bien au sujet de mon film, qui était en même temps dramatique, en même temps on essayait de rester léger, de rester simple et d'être embarqué avec cette famille sans souligner le drame, sans essayer d'être trop tire-larme et tout ça. Donc voilà, on a collaboré ensemble. Elle a composé très tôt, en fait, au montage, elle recevait déjà des images du film et elle commençait à composer, à me proposer des choses. Et c'était super, si bien que, arrivé à la première version de montage, on avait pratiquement, plus de la moitié des musiques qui étaient déjà maquettées, posées et qui marchaient, quoi. Donc, vraiment, c'était super de collaborer avec elle, voilà. Dom La Nena, je suis fan absolue de cette femme. Et justement, je parlais de voyage, il y a une version orchestrée différemment, oui. Puisqu'on voit à un moment, sans déflorer le film, ouais. Ça se passe chez les gens du voyage, il y a ouais. une séquence qui se passe chez les gens du voyage, et il y a cette reprise justement qui ouais. nous fait voyager. Oui, on a une reprise de Voyage par Barbara Pravi, qui est une chanteuse absolument extraordinaire, dont j'ai la chance qu'elle soit mon amie également. Et Barbara Pravi m'a proposé, quand elle a lu mon scénario en tant qu'amie, elle m'a dit, mais moi, si jamais t'as envie que je fasse quelque chose musicalement pour ton film, j'aimerais trop le faire. Ça, voilà, symboliquement, ça me ferait plaisir. Et je lui ai dit, bah écoute, effectivement, on a cette chanson qu'on a dans le film et on aimerait bien avoir une reprise de cette chanson, mais traitée de manière différente. Et elle a fait cette reprise que les gens découvriront dans le film, mais que je trouve absolument, absolument géniale, et puis qui est pleine de lumière et qui est solaire et qui redonne le sourire à un moment du film où on est peut-être un peu dans l'émotion. Donc voilà, pareil, je suis très, très fière d'avoir ce titre inédit de Barbara Pravi dans mon film, ouais. Oui, puis Barbara Pravi, on peut le dire, Pour les gens qui ne sauraient pas encore, c'est quelqu'un qui est arrivé en deuxième position, je crois, à l'Eurovision. Donc c'est quelqu'un qui maintenant est très coté. Oui, oui, tout à fait. Elle fait des tournées dans toute la France. Elle remplit des Olympias. Elle a fait la Cigale à Paris plusieurs fois. Elle revient à l'Olympia en avril. Donc elle a une carrière qui est vraiment. Moi, je suis assez admirative. Et puis en plus de ça, c'est une personne absolument géniale, authentique aussi, très spontanée, très proche de son public et tout. Donc voilà. Et une amie extraordinaire. Donc je suis très heureuse. Première pause musicale avec la bande originale qu'on peut retrouver, la musique de Voyage Voyage de Desireless qui sert un peu de leitmotiv au film. Et là, c'est la version originale qu'on écoute. Et on continue l'interview d'Enya Barou qui nous parle de son film « On ira ». Alors, on va passer un petit peu au rayon anecdote, parce que bon, on a, j'ai entendu hier soir un petit peu l'interview, on va pas le cacher aux auditeurs. Le titre, comment il t'est arrivé? Moi, j'ai bien aimé la façon dont t'es arrivé. Ouais, bah, c'est marrant parce que justement, on m'a posé la question de est-ce que le titre, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est une manière de dire qu'en fait, on part vers l'avenir, etc. Et quelqu'un m'a posé une question très, très juste, mais très, très, comme s'il y avait un sens très, très important à ce titre. Et je lui ai répondu qu'il allait être déçu parce qu'en fait, le titre, c'est une histoire très, très bête. C'est qu'en fait, le film s'appelait Partir un jour pendant des années parce qu'on voulait avoir cette chanson des To Be Free dans le film, que moi, c'est ma génération. Que les paroles de partir un jour sans retour, oublier ses regrets, machin, correspondaient exactement à mon histoire. Et je trouvais ça, j'avais déjà cette idée d'avoir une chanson un peu oubliée des années 80 ou 90, dont les paroles correspondaient à mon récit. Donc à l'époque, c'était ça. Et en fait, entre temps, nous, on a mis tellement de temps à financer notre film qu'un autre film est arrivé qui s'appelle Partir un jour, qui a été tourné en même temps que le mien et qui va sortir l'année prochaine. Donc on a dû changer notre titre. Et donc je voulais conserver cette idée d'avoir un titre de chanson. Et ensuite, on a écrit une version de scénario où Marie était fan de Jean-Jacques Goldman. Et on s'est dit, on va l'appeler On ira, comme la chanson de Jean-Jacques Goldman. Et comme ça, nous achèterons la chanson de Goldman et elle sera dans le film. Et puis au fil du temps, le titre est resté. Le fait que Marie soit fan de Jean-Jacques Goldman a disparu dans le scénario. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, c'est un titre de travail, on le changera au dernier moment, on le changera au moment de la sortie. Et puis en fait, tout le monde s'est attaché à ce titre, même sans la chanson dans le film. Tout le monde a trouvé que c'était un titre qui, effectivement, parlait en même temps du groupe et de la famille, et en même temps était assez optimiste, assez tourné vers l'avenir. Donc on a gardé « On ira ». Mais la chanson du film, c'est « Voyage, voyage », donc ça n'a absolument rien à voir. Mais j'ai quand même réussi à retomber sur mes pattes, à avoir une chanson un peu kitsch des années 80, dont les paroles correspondent à mon récit, que les gens ont un peu oublié, j'ai envie de dire, mais qui, en tout cas, qu'on avait envie de redécouvrir autrement. Et « Voyage, voyage » fait le travail de absolument parfaitement pour ça, quoi. Et puis « Voyage, voyage », faut savoir, enfin, moi je suis marié avec une femme russe. Ouais. C'est un gros tube en Russie. Ouais. Et en plus, ils adorent le cinéma français. Oh là là. Donc, on peut avoir une carrière internationale. Ce serait génial. J'adorerais. Et puis, l'anecdote avec les To Be Free, on la voit quand même dans le film. Oui, on a gardé. Il y a un petit clin d'œil. Ouais, on a gardé exactement une trace des To Be Free dans le film. Parce que voilà, moi, ça me tenait à cœur. J'étais fan absolue de ce groupe quand j'étais enfant. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de, voilà, de très marqué dans les années 90 avec ces boys bands torse nu sur des cassettes. C'était vraiment, voilà, ça marque les années 90. Et je trouvais ça cool de faire un petit clin d'œil à ce groupe. Donc, on vous le laissera découvrir dans le film. Et moi, j'avoue que j'étais plié de rire parce que on s'attend justement pas à ce que apparaisse le motif To Be Free. Ouais. Dans la manière dont ça apparaît. Ah bah tant mieux, tant mieux. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Je pense que oui, puisque 7 ans pour mettre au point ce bébé, on peut dire, c'est une longue gestation. Oui, des difficultés. On a rencontré que des difficultés en réalité jusqu'à l'année dernière où les choses se sont débloquées de manière magique. Mais en réalité, on a mis du temps à l'écrire. Ensuite, quand on a fini de l'écrire, on est allé en financement. Puis là, ça a commencé à être très compliqué dès le début. En fait, ce sujet-là, il faisait peur aux financiers, il faisait peur aux gens. Parce qu'on se disait que des spectateurs pourraient pas rire devant un sujet pareil. Finalement, quand on était au milieu de notre périple de financement, est arrivé un ami qui s'appelle le Covid, qui nous a bloqués pendant 2 ans parce qu'en fait tous les financements sont arrêtés. Le cinéma était en berne pendant 2 ans, donc nous on a mis notre scénario de côté, nos projets de côté, et on a attendu vraiment. Je veux dire, en plus du confinement, on a attendu 2 ans que le cinéma reprenne, que les gens retournent en salle, que voilà. Et alors arriver avec un projet pareil juste après le Covid, c'était encore plus compliqué parce qu'en fait l'argument des financiers c'était que les gens avaient besoin de rire, ils n'avaient pas besoin d'entendre parler d'hôpitaux, de maladies, de morts, et qu'en fait, c'était pas possible de faire un film pareil. Donc, après le Covid, on a encore attendu 2 ans. Donc, ça a été très, très, très long. Et je me suis pris beaucoup de réponses négatives. Et voilà, et souvent, enfin, mes parents me disaient souvent, on va beaucoup te dire non, mais il suffit d'un oui. Et en l'occurrence, il a fallu un oui qui a été celui de mon distributeur, Zinc Distribution, qui a accepté de faire le film parce qu'il y croyait. Et quand quelqu'un dit oui, généralement, ça aide un autre à dire oui et un autre à dire oui. Et grâce à Zinc, Canal+ a dit oui. Et en fait, ces deux partenaires financiers m'ont permis à eux deux de faire le film avec un petit budget dans un temps assez réduit. Mais on l'a fait, quoi. Et voilà, mais je suis trop fière, mais c'était long. Et puis, preuve que ça cloue le bec aux gens qui disent les filles d'eux ou les fils d'eux, c'est facile. Eh bien là, on a la preuve. Ouais. Parce que bon, on peut rappeler que votre papa, c'est Olivier Barou. Mmh. Votre parrain, c'est Yann Mérade. Mmh. Donc, on pourrait se dire, oh, bah, pour elle, ça va être facile. Mmh. Eh bien là, on voit que c'est bien sûr, bien faire un film, c'est pas évident, même si on a des parents ou des gens qui sont célèbres qui vous connaissent. Vous avez vraiment aussi galéré comme tout le monde. Oui. Après, je me dis que bah, est-ce que si mes parents, enfin si mon père travaillait pas dans ce milieu-là, peut-être que j'aurais mis 12 ans au lieu de 7. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous financez pas un film juste parce que vous êtes la fille de quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. C'est je crois que il faut quand même que le scénario plaise aux gens. Les gens, enfin ces gens-là dont on parle, les financiers, que ce soit Canal, les distributeurs, les chaînes de télé, tous ces gens qui investis dans le cinéma français ont des obligations, des responsabilités, c'est beaucoup d'argent et ils ont un rendement à trouver derrière, il faut que le film fonctionne. Donc en fait, si tout simplement ils croient pas au scénario ou au projet, ils ont aucune raison de vous donner de l'argent, même si vous êtes la fille de je ne sais qui, quoi. Donc voilà, après ça c'est un fantasme. Je crois que la réalité, quand on est fille de quelqu'un qui travaille dans un milieu, que ce soit en entreprise ou dans une boulangerie ou dans ce milieu-là, c'est qu'on évolue dans ce monde-là, on a un réseau particulier, on a accès à des choses forcément de manière plus facile. Je dirais que l'accès à ce milieu est plus simple, et ça, c'est une évidence, il ne faut pas le nier. Maintenant, une fois qu'on y est, déjà, il faut réussir à sortir des projets, et une fois qu'on a sorti des projets, c'est y rester aussi. C'est ça qui est dur, je crois. Et en fait, ça, c'est, je crois qu'une fois qu'on est au même niveau tous d'être arrivé dans ce milieu, et ce qui est, je l'admets, quelque chose de difficile d'arriver dans ce milieu, une fois qu'on y est, il faut, la difficulté elle est pareille pour tout le monde en fait. Enfin voilà. Il faut faire ses preuves. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Résumé, faut faire ses et puis bah justement, je pense que la série que vous avez fait vous a permis aussi d'atteindre une petite notoriété, et peut-être vous a aidé aussi à derrière convaincre les financeurs. Complètement. Fleur Bleue, c'est vraiment, je dis tout le temps que c'est la petite sœur ou le petit frère de mon film, parce qu'en fait, Fleur Bleue, on l'a développé avec Martin Darondo, mon binôme co-scénariste, co-réalisateur, co-producteur du film en l'occurrence. On l'a développé dans un moment où on n'arrivait pas à financer le film. Donc vraiment, on était. Moi, je commençais à déprimer, mon film, ça prenait pas. On me disait peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose. Moi, j'ai été assistante mise en scène avant, donc je me disais, il faut que je reprenne ce boulot-là, en fait, que j'arrête de croire que je vais réaliser un film toute seule, je vais pas y arriver. Parce qu'en fait, les gens me donnent pas d'argent. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je peux faire en attendant qui serait pas aussi long qu'un film? J'ai pas envie de refaire des courts-métrages parce que j'en ai trop fait. Et que l'économie du court-métrage, bah, en fait, ça me permet pas de vivre, quoi. Donc, je me suis dit, je pourrais faire un programme court. Il faut que ça me coûte pas cher, que je puisse le faire chez moi, que je puisse faire venir des copains, et puis ça dure 2 minutes, et puis que le montage, ça aille vite. Et puis, j'ai pensé à Fleur Bleue, qui s'appelait Plan Cul à l'époque. Et on l'a tourné avec Martin en une journée. On a tourné 2 épisodes à la maison que j'ai financé moi-même pour essayer de le vendre, quoi. Et puis on a mis 1 an et demi à le vendre quand même. Canal l'a vu pendant 1 an. Pendant 1 an, ils ont vu le pilote et nous ont dit non. Et puis au bout d'un an, on les a rappelés, on les a harcelés. Ils nous ont dit on va re-regarder quand même. Et au bout d'un an, je sais pas, les critères avaient changé. Ils avaient finalement de la place pour ce programme-là. Et ils nous ont dit ok, on y va, on le fait, quoi. Et en fait, Fleur Bleue, on l'a fait sans vraiment savoir où on allait, parce que moi, je suis pas connue à la base. Canal, ils ont quand même beaucoup de programmes courts avec des personnes identifiées, donc ces programmes font des vues aussi parce que c'est des gens connus dedans, et donc moi, je savais pas du tout ce qu'on allait avoir comme résultat en sortant Fleur Bleue sur Internet, quoi. Et en fait, le sujet a pris le dessus sur même le casting, parce que juste les gens ont répondu présent. Et le fait que Fleur Bleue ait marché, évidemment, a aidé pour mon film, et donc c'est voilà, comme quoi parfois. On crée des choses parce qu'on n'arrive pas à créer quelque chose, et puis cette chose-là va aider la première chose. Donc ça n'a pas de, ça a pas de sens, mais c'est chouette. Petite pause musicale avec un film sur la mort assistée avec Blackbird, Beyond the Light, soundtrack. Sing. past, freedom at last. What is life other than a cage to me? I'm free at last, free from you, free from the past, freedom at last. What is life other than a cage to me? Blackbird, oh blackbird, blackbird, oh blackbird. Now I rise as the phoenix escapes from me, through the fire, through the flames, leaving the ashes underneath. I'm free at last, free from you, free from the past, freedom at last. What is life other than a cage to me? Nous voici à nouveau pour l'interview d'Enya Barou qui continue à nous parler de son film « On ira ». Et puis, on parlait tout à l'heure du Festival de l'Alpe d'Huez. On ne s'attend pas forcément à voir un film qui parle d'un sujet si sérieux et puis où on peut rire quand même. Et on voit aussi votre patte spéciale qui est l'humour avec des super punchlines. Et pendant le film, on arrive à rire d'un sujet qui parfois est, enfin qui est souvent très sérieux. Ouais, bien sûr. Bah c'était vraiment le challenge du film. C'est vrai que la sélection à l'Alpe d'Huez, ça a été la plus belle récompense pour moi parce que c'est un festival de comédie et on m'a tellement dit que ce film n'allait pas pouvoir faire rire que bah avant même la sortie d'avoir été sélectionné là-bas, ça voulait tout dire. Ça voulait dire qu'en fait j'avais réussi mon pari de m'inscrire dans un genre de comédie sur un sujet qui est super difficile. Je crois qu'on sous-estime vachement les spectateurs. En fait, je crois qu'on croit tout savoir d'eux, on croit savoir ce qu'ils attendent, on croit savoir de quoi ils rient, de quoi ils pleurent, et on essaie de créer des recettes marketing pour leur plaire. Et je crois qu'en fait, je crois qu'on parfois on se trompe et que les gens sont prêts à rire de beaucoup plus de sujets qu'on ne le pense et que les spectateurs sont intelligents. Ils, si on leur tend des perches, ils savent les prendre. Et en fait, si un film est fait avec sincérité et c'est le cas du mien, je crois que les gens arrivent à voir ça et ça transparaît dans le film. Et moi, à l'Alpe d'Huez, les gens ont rigolé, quoi. J'étais trop heureuse. Enfin, je veux dire, on aurait pu gagner aucun prix. Le prix, c'était juste d'entendre les gens rigoler, quoi. C'était fou. Je me disais, ok, les gens vont rire et pleurer. Et moi, c'est les films que je préfère au cinéma. C'est les films où je ris et je pleure. Et je sais que Toledano et Nakache, par exemple, sont des maîtres du genre. Et moi, ça, la première fois que j'ai vu Intouchable, par exemple, je me suis pris une claque. Je me suis dit, en fait, comment j'ai pu passer d'autant. J'ai ri, j'ai pleuré, mais des émotions absolument incroyables. Tout le temps, et puis du vrai rire, quoi. C'est pas juste. Il y avait vraiment des dialogues incroyables. sur un sujet de fond hyper important, sur le handicap et tout. Donc je me disais, waouh, ouais, c'est super dur. Et en même temps, les gens sont là, ils sont présents, ils n'ont pas peur de ces sujets-là quand on les amène de la bonne manière. Donc voilà, moi, c'était mon objectif, c'était de réussir à amener ce sujet-là aux gens sans leur faire peur. Et les gens, pour l'instant, n'ont pas peur, donc je suis contente. Et c'est vrai qu'en y parlant maintenant, je vois que oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à Intouchable. Ouais. Mais c'est vrai que, bah oui, c'est de la même veine. Et c'est ce qu'on souhaite au film, d'avoir le même succès, parce que d'un sujet sérieux, on arrive à le dédramatiser et que les gens suivent. Parce que bon, hier soir, j'ai vu dans la salle, ça riait à gorge déployée. Hein. Il y a des moments de... On est au bord des larmes, mais voilà, il y a toujours ce côté, la vie continue, on ira, comme vous dites si bien. Au niveau des influences, est-ce que vous avez un cinéma qui vous a influencé en général? Bah, là, je viens de le dire, en vrai, le cinéma de Eric Toledano et Olivier Nakache, c'est... en tout cas, en cinéma français, c'est vraiment une référence absolue, c'est-à-dire que je trouve que... Il n'y a que pour faire ces films-là dans lesquels on rit, on pleure. Ensuite, aux États-Unis, on sait bien faire ça également. Il y a un film que j'arrête pas de dire, mais c'est assez évident, qui est Little Miss Sunshine, parce que c'est le meilleur road movie qui existe à mes yeux, et que avec Into the Wild, mais dans un autre registre. Mais Little Miss Sunshine, c'est le road movie par excellence, dans lequel les personnages sont tellement bien définis. En fait, on s'ennuie jamais. C'est un film de personnages. C'est un film où on suit des trajectoires de personnages qui sont trop bien écrits. Et je crois que le road movie, c'est un peu un prétexte, en fait. C'est une toile de fond. Et c'est à peu près ce que j'ai voulu faire aussi. C'est pas faire croire aux gens qu'on allait vivre des obstacles incroyables sur la route. En fait, c'est pas tellement ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe entre eux. C'est les relations entre eux. C'est ce qu'ils vont découvrir, en vivant ensemble pendant ce trajet. Donc voilà, Little Miss Sunshine. Ensuite, moi, je suis fan absolue de Xavier Dolan. Il y a absolument rien à voir avec Xavier Dolan dans ce que j'ai fait dans mon film, mais en tout cas, je crois que c'est un des réalisateurs qui m'a donné le plus de motivation, parce qu'en fait, de voir la liberté qu'il avait de casser les codes qu'on nous a appris. Moi, j'ai appris beaucoup de codes à l'école, beaucoup de règles de cinéma, mais quand j'ai vu les premiers films de Xavier Dolan, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de règles. Il fallait juste faire ce qu'on avait envie de faire. Et lui, il a pas fait d'école de cinéma, il a juste pris une caméra, il a fait des films, et il a fait exactement ce qu'il voulait, et il a réussi à transmettre des émotions qui sont absolument dingues. Donc voilà, moi, je crois que c'est aussi cette absence de règles qui fait aussi que j'ai envie de faire ce film-là. C'est un film où la règle voudrait que on ne rigole pas de la mort, la règle voudrait que on peut pas espérer faire beaucoup d'entrées avec un film qui parle de ce sujet-là, et je crois qu'en fait tant pis, enfin moi je m'en fous qu'on me dise ça, en fait je veux juste faire ce film, c'est moi j'y crois, et voilà quoi. Et sujet plus personnel, comment a reçu votre père ce film-là, puisque ça touche un sujet qui tient à votre famille. Est-ce que ça l'a bluffé de voir que sa fille pouvait faire un film sur ce sujet-là? Oui, complètement. Bah déjà, il a lu le scénario il y a 4 ans, mais depuis 4 ans, il avait tenu à rien voir, rien lire, pas lire de nouvelles versions. Il est venu sur le tournage, mais il est venu une heure dans un décor où on voyait absolument pas grand-chose se passer, quoi. Il tenait à rien voir. Il a pas vu le montage. Enfin, voilà. Je pense qu'il y avait une vraie volonté pour lui et pour moi de me sentir légitime, et pour lui de me laisser faire mon truc, de jamais venir s'immiscer, de jamais regarder ce que je fais et d'attendre le résultat final juste pour le regarder comme un spectateur lambda. Ce qu'il a fait, ça a été un moment d'émotion très intense, parce qu'on l'a vu tous les deux, parce que voilà, c'est un film qui parle de ma grand-mère, qui est donc sa mère, et qui est inspiré de mon père, de moi, de ma famille. Donc il était hors de question pour lui de le découvrir en salle avec d'autres gens. Il voulait le voir tout seul parce qu'il savait qu'il allait être très ému. Il a été très très ému, moi aussi, et puis c'était trop magique, quoi. C'est-à-dire que il m'a transmis une passion, et je crois que comme chaque parent, on a un peu peur pour ses enfants, on a envie que ses enfants soient heureux, qu'ils réussissent, et quand on choisit des métiers comme ça, je pense que on se dit mince, elle veut faire comme moi, mais si ça marche pas, ça va être dur, quoi, parce que c'est des métiers qui pardonnent pas, quoi. Où ça peut être long, ça peut être dur, et puis ça peut être frustrant dans une famille où l'un a réussi, si l'autre, il y a mon frère aussi qui veut faire ce métier-là, donc c'est pas évident, parce qu'on grandit dans une famille où on s'inspire tous les uns les autres, on a envie de faire la même chose, je crois que c'est normal. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai peur pour mon frère, je me dis, j'espère que mon frère, il va y arriver, et qu'il va pas être déçu, et qu'il va pas galérer, parce que voilà. Donc je crois que mon père, il est juste trop fier et soulagé que j'arrive à être épanouie à 33 ans dans mon métier et que je me sente légitime enfin. Et je crois qu'il est très, très heureux, ouais. Oui, on peut dire. Moi, je suis allé sans a priori, justement. C'est après, en préparant cette interview, que j'ai su que vous étiez la fille d'eux. Mmh. Donc, j'ai vu le film, en préparant, je me dis, tiens, ah bah oui, le nom, pof. Mmh. Et c'est vrai que, alors, c'est bien aussi de voir que vous avez mis des choses personnelles, mais vous avez été aidé dans le scénario, comme vous nous l'expliquiez hier soir. Il n'y a pas que votre, c'est votre histoire, mais retranscrite avec vos amis scénaristes qui ont fait un excellent boulot, hein, parce que je parle dans les punchlines et compagnie. Tout à fait, Philippe Barrière et Martin Darondeau, qui sont deux scénaristes absolument géniaux, avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans à créer ce scénario. Et comme je disais, moi, c'est mon histoire personnelle. Il y a beaucoup de choses personnelles qui me concernent dans ce film, mais il fallait aussi pouvoir ouvrir le récit à tout le monde, et ça, moi peut-être que parfois j'avais un regard trop intime sur les choses et que j'avais du mal à lâcher certaines voilà, j'aurais peut-être eu du mal à aller dans des blagues à certains moments ou à trouver le potentiel à aller au bout des choses dans la vanne ou dans l'humour, parce que moi c'était trop intime pour moi. Donc en fait, Philippe et Martin ont eu ce rôle de s'approprier le scénario en tant que eux personnes lambda qui sont pas attachées à l'histoire, en fait. Et c'était très important, parce qu'en fait, faire un film trop trop personnel, parfois ça peut être excluant, je veux dire, pour le spectateur. Ça peut être être un égo trip un peu, quoi. On peut se dire, tiens, moi je raconte ma vie, mais est-ce que vraiment ça connecte aux gens? Et je crois que notre travail à nous trois, ça a été de trouver là où mon récit pouvait devenir universel et aller toucher la vie de tout le monde, en fait. Petite pause musicale à nouveau avec encore un film sur le thème de la mort assistée avec C'est ma vie après tout, un film de 1981, Whose Life It Is Anyway, et une musique d'Arthur Rubinstein. Thank you. Nous continuons l'interview d'Enya Barou lors de sa venue pour la présentation de film On ira. Là, on en est à la quatrième, ça sera la cinquième ce soir. Comment vous avez perçu le fait, parce que là, on prend la vague de plein fouet. Ouais. Parce que le festival, ça reste... Il y a des professionnels, ouais. Alors que là, vous avez affaire pratiquement... Bon, à part hier soir, on avait des gens de l'école cinéma de Tours. De voir la réaction, comment vous prenez ça ? Bah, c'est un rêve en fait. C'est-à-dire que moi, je crois que chaque réalisateur fait des films, même tous les gens qui bossent dans le cinéma, ils font des films pour ça. C'est pour se confronter au public, quoi. Et là, c'est vraiment absolument génial parce qu'en fait, j'ai des réactions en direct. Les gens témoignent, me partagent de super beaux témoignages. Les gens, je vois qu'ils sont émus. Donc en fait, c'est la récompense directe de tout ce travail de 7 ans, quoi. Donc, le film, pour l'instant, il est super bien reçu. On a fait 4 dates avec des salles pleines, donc c'est inespéré dans le sens où moi, je viens en tournée, je suis pas connue, quoi. Je viens pas avec des acteurs en plus, donc le film, on n'a pas non plus une communication énorme dessus. On a une bande-annonce qui est sortie, mais je veux dire, on n'est pas gros, quoi. On n'est pas là en avant-première avec Omar Sy ou avec, on n'est pas les Tuches. Donc en fait, de voir que les gens sont présents. Pour ce film-là, ça me touche énormément parce qu'en fait, je comprends que les gens viennent par curiosité, les gens viennent pour le sujet, les gens viennent parce que peut-être qu'ils ont vu Pierre Lottin et qu'ils aiment bien. En tout cas, je vois que les gens sont intéressés par ce film et ça me réjouit énormément. J'ai hâte de la suite, quoi. Et puis, ce qu'on a apprécié, enfin, je pense dans le public, ils ont dû apprécier, c'est votre franc-parler. Et aussi de poser les questions aux gens. D'habitude, on est dans l'inverse, hein, dans le rôle que j'ai aujourd'hui. Ouais. Mais vous avez interpellé... Ouais. Avec plein de blagues sur votre fameux pull, de choses. Et ben, je pense que si ce qui a très bien passé, c'est ça. C'est votre naturel. Ben, moi, parfois, je le vois comme un défaut, dans le sens où c'est aussi parce que je suis assez anxieuse et assez spontanée. J'ai pas trop de filtres, donc il y a tout qui sort. Donc quand je suis stressée, je le dis. Et quand j'ai envie de faire pipi, je le dis. Enfin, c'est terrible, je dis tout. Mais en même temps, je crois que c'est aussi ma manière de me connecter aux gens. Parce qu'en fait, se retrouver debout face à 300 personnes qui vous regardent dans le silence, dans quelque chose de très silencieux, très calme et tout ça, ça me ressemble pas. Moi, j'ai besoin de parler avec les gens, de rigoler, de faire des blagues. Et puis, j'ai besoin que les gens comprennent que, enfin, on est pareil, en fait. On est au même endroit, on est là pour la même chose, on est là pour passer une soirée tous ensemble. Je suis pas là pour faire une masterclass et leur apprendre la vie du cinéma. Moi je débute aussi, donc moi je suis intéressée aussi de pourquoi les gens viennent. J'ai des questions à leur poser, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont déplacés ce soir, et voilà. Et puis pareil, quand on pose des questions, je leur dis, bah, je vais essayer de vous répondre, mais je sais pas si j'aurai les meilleures réponses. Moi je suis là pour parler de mon parcours, mais mon parcours il est très jeune en fait, donc voilà. Et je crois que oui, le fait d'être spontané, de faire des blagues et tout, c'est comme ça que je suis. Et j'ai pas envie de me formater à être sérieuse ou à être calme pour bien présenter. Je crois que non. En fait, je crois que c'est comme ça que je suis. C'est tout. On vous souhaite de le rester parce que c'est vraiment agréable aussi bien pour l'interview d'aujourd'hui que pour les auditeurs et que les spectateurs hier soir. Il y avait une très bonne osmose et c'est toujours appréciable. Ça avait été le cas avec Pierre Lottin pour Enfants Forts. C'est vrai, ça ne m'étonne pas du tout. Bah oui, et voilà, c'est pour ça que c'est pas étonnant que vous soyez amis, que vous ayez tourné ensemble, parce qu'on retrouve un petit peu cette spontanéité qui, des fois, avec les années venant, c'est pas toujours le cas. Bah j'ai eu l'occasion d'avoir, par exemple, Bertrand Tavernier. Mmh. C'était quelqu'un qui était un puits de science ciné. Ouais. Et qui est... On m'avait dit, attention, il est très, très spécial. Et en fait, c'était quelqu'un... Moi, j'ai travaillé avec Bertrand Tavernier. Par contre, je sais pas, au niveau de travail, il doit être plus exigeant. J'ai été assistante sur un film de Bertrand Tavernier. Et je peux vous dire que ça m'a marqué parce que c'était quelqu'un... Moi, je le respecte énormément, comme tout le monde. D'ailleurs, c'est un grand, grand cinéaste. Et c'est un monsieur, mais tellement gentil, tellement simple, spontané. Je me souviens, moi, sur le tournage sur lequel on travaillait ensemble, c'était un film qui s'appelait Quai d'Orsay. J'étais vraiment stagiaire, j'avais 20 ans, et je le côtoyais tous les jours, quoi. Et en fait, quand j'étais au Combo avec lui, c'est le petit endroit, l'écran derrière lequel le réalisateur regarde ses prises, quoi. Quand il s'ennuyait, on parlait de films Disney, et puis on se refaisait toutes les bandes originales des films Disney, et on chantait des films Disney pendant les pauses, quoi. Et voilà, et juste, il était trop sympa, trop simple, très gentil avec les spectateurs. Je me souviens qu'il connaissait le nom de absolument tout le monde sur le plateau, ce qui franchement n'est pas le cas de tout le monde, de tous les metteurs en scène. Il connaissait le nom du stagiaire à la régie, il connaissait tout le monde et il avait autant de respect pour tous les postes. Et voilà, pour moi franchement, c'est une leçon, ce réalisateur, ce metteur en scène, et je suis très fière de l'avoir rencontré pour, voilà, pour, ça m'a donné envie de faire ce métier aussi. Je confirme, moi, je l'ai rencontré deux fois. Ah, bah, justement, pour, on s'était rencontrés. Et je l'avais rencontré pour un autre film, quand il avait parlé un petit peu de sa biographie du cinéma. Oui. Et pareil, il dit « Ah, je vous ai déjà eu en interview, on se connaît. » Tac. Ouais. Et la discussion a repris comme si on ne s'était pas vus. Ouais. Et donc, c'était vraiment... on a la chance d'avoir des gens comme ça dans le cinéma français, des belles personnes, on peut dire. À nouveau, une pause musicale avec la bande originale de Plan 75, avec le morceau « Nex » de Rémi Boulal, un film sur aussi la fin de vie assistée et même là carrément programmée. Et nous voici pour la fin de cette interview très intéressante avec la pétillante réalisatrice Enya Barou, toujours sur ses projets et son film On ira. Bien, je vais vous demander quels sont vos futurs projets. Alors ça peut être aussi bien en tant qu'actrice, réalisatrice, ou de séries, ou de cinéma, hein, puisque maintenant, il n'y a pas de honte, et ce qui est bien, la nouvelle génération, et même les anciens s'y mettent, à passer du cinéma aux séries. Il n'y a plus ce mur qui empêchait un petit peu certains réalisateurs ou acteurs de passer. Oh, on passait à la TV, c'était un petit peu... si on n'avait pas réussi, on faisait la télé, quoi. Quand on voit le pouvoir qu'a pris la télé et les séries aujourd'hui, le mur n'existe plus, c'est clair. Bien au contraire, je crois que plein de réalisateurs se sont recyclés aussi en faisant de la série, parce qu'en fait il y a des financements qu'ils n'arrivaient pas à avoir au cinéma. Il y a eu un moment, enfin le cinéma ça devient compliqué quand même, donc je crois que la série c'est vraiment un espace maintenant pour des grands réalisateurs et pour des réalisateurs jeunes aussi. Enfin, c'est vraiment moi je trouve ça génial, c'est un espace de création que je trouve génial. Moi les futurs projets, j'aimerais écrire un deuxième film. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai une idée un petit peu, mais je voudrais l'écrire avec autant de passion, de patience, d'envie que le premier. Et je sais que il faut que ça mûrisse dans ma tête avant de me lancer, parce que généralement, quand on fait un premier film, tout le monde vous saute dessus après en vous disant, alors c'est quoi la suite? Je parle pas de vous, hein, je parle des producteurs et tout ça, parce que si votre premier film est bien, les gens ont envie tout de suite de signer avec vous pour la suite. Et en fait, je crois que c'est un peu dangereux de se précipiter, parce que je crois que le plus dur, c'est de faire un deuxième film, en fait. Parce que le premier, il y a un truc de... Les gens sont... Comment dire ? Les gens sont indulgents avec vous aussi, hein, même si votre film est réussi. Il y a un truc où on se dit c'est un premier film, donc il y a un effet un peu waouh. Si en plus il est bien, les gens se disent ah, ça c'est un premier film. Pour un premier film, c'est vachement bien. Le deuxième film, c'est plus un premier film, c'est un deuxième film. Donc déjà, il faut espérer être à la hauteur du premier et ensuite se renouveler, quoi. Essayer de faire quelque chose de pas forcément de mieux, mais d'aussi intéressant ou d'aussi bien en tout cas. Donc je veux prendre le temps. Ensuite, il y a mon programme Cours Fleur Bleue. Là, on a fait une saison 2 qui se passe hyper bien. Tous les lundis, il y a un nouvel épisode. On a un nombre de vues absolument incroyable. Enfin, les spectateurs sont là et c'est génial. Moi, j'aimerais vraiment faire un format long de cette série. Donc, j'aimerais faire une série. En fait, là, c'est un programme court. Aujourd'hui, j'aimerais que ce soit une série. J'aimerais en faire un 8 fois 20 minutes. Un peu ce qu'a fait Hippocrate, Thomas Lilti. Exactement. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Ouais. Et c'était un de ses projets à l'envers. Lui, donc, il avait fait... ce film, et après il est passé à la série. Et vous, c'est un peu l'inverse. Oui, je me pose la question d'ailleurs de Fleur Bleue. Est-ce que ce serait un film ou une série? Moi, j'ai du mal à imaginer Fleur Bleue en film. Je crois que... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même très chronique. Ça raconte quand même le quotidien d'une jeune fille... Je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer que c'est un film. Donc pour l'instant, je crois que j'ai envie d'en faire une série. Et puis comme nos spectateurs sont quand même déjà là sur le web, je me dis que la bascule la plus logique serait de garder nos spectateurs sur leurs ordinateurs et de continuer à leur proposer ce programme en série. Donc ça va être le prochain projet, ça va être essayer de vendre ça, parce que pour l'instant on n'a rien signé du tout, et c'est d'écrire une idée, parce que c'est bien de vouloir faire une série, mais il faut que j'écrive, quoi. Voilà, pour l'instant. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Là, c'est que de l'écriture. L'année à venir va être de l'écriture et du calme. Et c'est bien, je suis contente. Oui, puis je trouve, dans un monde qui vit très rapide, on en est toujours à la recherche du temps. On ira justement, on voit que le temps, des fois, il faut le prendre. Ouais. Parce que quand on arrive à la fin, on s'aperçoit qu'on n'a pas assez pris le temps, des fois, de se dire les choses, de faire les choses. Et je crois que pour l'écriture... Il y a plein de réalisateurs qui prennent leur temps, qui ne vont pas sortir des films qu'on appelle alimentaires. Ouais. Parce que bon, il y a le côté aussi des fois qui fait... Mais bon, je pense que, comme toute bonne chose, si on prend le temps, on le fait plus avec amour, avec passion, et on a tendance à faire quelque chose de mieux, de se poser soi-même les questions, de prendre des avis critiques. Et quand on sort la chose, on sait que, quoi qu'il arrive, déjà... On obtient quelque chose qu'on a eu envie de faire. Exactement. C'est important. Je crois que il n'y a pas de règle. Il ne faut pas se dire je dois faire un film par an ou je dois faire un film. Je crois qu'il n'y a pas de règle. En fait, il y a des réalisateurs qui font un film tous les 10 ans, d'autres qui font un film tous les ans. Je crois que chacun a son rythme. Et moi, je ne connais pas encore mon rythme. En tout cas, je sais que ce qui me motive, c'est il faut que le film ce soit une nécessité absolue de le faire. Il faut que ce soit vital de le faire. Si c'est le faire juste pour gagner de l'argent, je crois que je pourrais faire d'autres choses, je pourrais faire de la pub, je pourrais réaliser des choses qui me prendraient moins de temps et qui seraient vraiment alimentaires. Je crois que écrire un scénario de fiction d'une heure et demie et qu'on va donner à un public, il faut que ce soit nécessaire, important et passionné quand on le fait, quoi. Voilà. Et pour terminer, si on vous demandait de faire justement une petite publicité pour votre film, pour encourager les auditeurs de Radioactive en particulier. Donc on a passé déjà un petit jingle avant la projection d'hier soir, mais là, on fera une émission spéciale cinéphage qui vous est consacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour les inciter à venir voir le film ? Je leur dirais que si leur plus grande peur universelle, c'est la maladie, la fin de vie ou la mort, et qu'ils ont envie de se réconcilier avec ce sujet-là et de pouvoir en rire et d'être surpris d'en rire, je crois qu'il faut qu'ils viennent voir ce film. Et puis de la même manière, s'ils aiment les histoires familiales, intergénérationnelles, des familles un peu... On a tous des familles un peu bancale, un peu maladroite, dans lesquelles on a du mal à dire les choses, on a du mal à dire qu'on s'aime, on a du mal à s'avouer les choses, qu'on soit ado, qu'on soit adulte ou qu'on soit grand-parent. Je crois que ce film, il est pour tout le monde, donc faut pas hésiter à venir en famille. Eh bien, merci Enya. On souhaite longue vie au film et puis on espère se revoir pour les prochains ou pour nous parler de tous vos projets. C'était un plaisir de vous rencontrer. Et puis, aux auditeurs de Radioactive, un dernier petit mot ? Je vous connais pas, les auditeurs de Radioactive, mais j'espère vous rencontrer un jour. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci. Et bien maintenant, nous allons passer au coup de cœur. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai fait des coups de cœur vidéo sur le thème. On a écouté la musique tout à l'heure de ce film, c'est Blackbird, un film de 2020 réalisé par Roger Mitchell avec, entre autres, Suzanne Sarandon et Kate Winslet. Alors, c'est l'histoire de Lily et son mari Paul qui décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d'une même famille vont se retrouver avec Jennifer l'aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but vraiment particulier, puisque atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde n'accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à l'épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille alors que le temps des adieux approche. Donc, un film sur le même thème que le sujet d'On ira, mais traité d'une façon différente, à la façon hollywoodienne, avec un très beau casting d'acteurs aussi. Le coup de cœur rétro, eh bien, on reste dans le thème, puisque c'est le film que j'ai choisi, c'est « Ma vie après tout », un film de 1981, réalisé par John Badham, avec Richard Dreyfuss et John Cassavetes. C'est l'histoire de Ken Harrison, qui est un sculpteur, jusqu'au jour où il va se retrouver impliqué dans un accident de voiture qui va le paralyser. Il ne lui reste que l'usage de la parole et il entreprend des démarches judiciaires pour avoir le droit de mourir. Donc un film toujours sur le thème de la mort assistée. Pareil, un beau casting d'acteurs. Donc en complément d'On ira, une fois que vous aurez été au cinéma pour voir On ira, bah, vous pouvez compléter. Et puis il y a plein d'autres films. Hein. Je vous ai passé des bandes originales, mais il y a plein de films très intéressants. Mon coup de cœur news. Alors ça, c'est complètement différent, puisque j'ai pris quand même quelque chose qui va un peu changer. Alors cette année, en 2025, Nicole Kidman sera à l'affiche d'un nouveau film de Mimi Cave, réalisatrice qui s'était fait connaître avec le thriller Fresh, porté par Sebastian Stan et Daisy Edgar Jones. Alors là, ce film s'appelle Holland. Alors dans Holland, Nicole Kidman incarne Nancy Van Der Groot, une enseignante et femme au foyer qui semble mener une vie parfaite dans la ville très fleurie et apaisante en apparence d'Holland, dans le Michigan. Matthews McFadden, qu'on a vu voir dans Succession, campe ici son mari qui est un pilier de la communauté. Le croyant infidèle, Nancy va alors décider également d'avoir une aventure ailleurs. Mais la vie de cette housewife bascule lorsqu'elle comprend que son charmant époux est en fait un serial killer, un bon tueur en série. Aidée de son collègue incarné par Gael Garcia Bernal, qu'on a pu voir dans Hold, Nancy va enquêter et découvrir par la même occasion que cette petite ville d'Holland cache de sombres secrets. Donc, un synopsis assez alléchant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lilian, toi qui es à la technique. Ah bah si, complètement. Ça a l'air d'être un bon thriller psychologique. Eh bien maintenant, nous allons passer aux avant-premières et événements dans notre bonne vieille ville de Tours. Toujours intéressant de savoir ce qui se passe et ça bouge toujours à Tours. Eh bien, il y a beaucoup de choses dans ces sorties cinéma, comme d'habitude. On a des partenaires très actifs à Radioactive. Donc, au CGR Centre, beaucoup de choses, avec l'avant-première des Jours Meilleurs, qui sera le jeudi 13 mars à 19h30. On aura aussi un ciné-débat avec le film « J'irai décrocher la Lune », le vendredi 21 mars à 20h, à l'occasion de la journée de la trisomie 21. Et venez découvrir Witchwatch, donc une série, là ça sera sur grand écran, avec les trois premiers épisodes montés en format film, suivi de 10 minutes d'interview exclusive de l'équipe et du cast de la série. Donc deux dates exclusives au cinéma CGR, ça sera le 21 et le 22 mars uniquement. Et puis pour les fans de manga, il y a Mobile Suit Gundam GQX Beginning Due. Et ça sera du samedi 15 mars au dimanche 16 mars, donc toujours au CGR Centre. Ensuite, encore une avant-première, hein, Novocaine, ça sera le lundi 24 mars à 19h. Toujours au CGR Centre, Les Condés, une avant-première qui sera le mardi 25 mars à 20h. Et puis, il y a une soirée culte à ne pas manquer pour les gens qui ne l'ont pas vu sur grand écran ou qui souhaiteraient le revoir, eh bien c'est le fameux Forrest Gump. Et ça sera le mercredi 26 mars à 19h30. Encore beaucoup de choses se passent à Tours, puisque les studios organisent le 26e Festival international du cinéma asiatique de Tours. Donc pour cette édition 2025, ça se déroulera du 14 au 24 mars au cinéma studio. Le thème de la 26e édition du festival est l'autre. C'est entre autres 24 films cette année qui seront soit en compétition internationale, soit inédits, en avant-première. Il y a aussi des rencontres, des lectures et ateliers, et aussi de nombreuses expos dans 7 lieux divers à Tours. Entre autres, comme film, on pourra voir Black Box Diary, un film japonais documentaire, Black Dog, un film chinois de Wu Guan, L'Adieu États-Unis, un film chinois de 2020, A Bitter Sweet Life, donc ça c'est une séance jeune, c'est un film de Corée du Sud. Panda Petit Panda, encore un film d'animation japonais. Des vies à la frontière, inédit Cambodge en France, bon, c'est la première fois qu'on pourra voir ce film. Ensuite, on a Hiroshima Nagasaki, Quand le monde bascule, un film français documentaire. On trouvera aussi Oasis of Now, un film inédit en compétition, et donc sera la première française, un film malais et de Singapour. On a aussi Mongrel, qui sera en compétition, inédit, un film de Taïwan, Singapour, et français aussi. Couline ne pleure jamais, un film inédit, qui sera en compétition, un film du Vietnam, de Singapour et de France. En garde, on sera un film en avant-première, et c'est aussi en compétition, ça sera Singapour, un film de Singapour, Taïwan et de Pologne, hein, donc une production avec différents pays. On a Heroic Trio, un film de Hong Kong de 1997 de John Cho. Pogno sur la falaise, le classique hein, de Miyazaki, qui repassera. Jusqu'à l'aube, un film qui sera en avant-première compétition, un film japonais. Les larmes du crocodile, aussi un film inédit en compétition, et qui est un film indonésien franco-singapourien. Parasite, le fameux Grand Prix de Cannes, hein, qui avait gagné la palme à Cannes en 2019, de Bong Joon-ho. L'homme de l'ombre, un film inédit, qui est un film documentaire de Sandra Devossé. Mon père, un outsider, un film inédit, franco-coréen. Le prince Neza, Triomphe du roi, dragon, donc un film chinois de 79, un film d'animation. On aura aussi Stranger Eyes, qui sera une avant-première en compétition, un film coproduction singapourienne, taïwanaise et française. On a Inuho, un film en VO Japon, film d'animation qui sera de Masaki Yua. Donc parce qu'on connaît beaucoup Miyazaki, mais il y a plein de choses qui se font différemment. C'est comme si en dessin animé, on parlait que de Disney. Voilà, donc c'est important aussi de découvrir ces films. Rivière de nuit, un film japonais inédit à Tours. C'est un film qui de 1956, donc un film un peu rétrospectif, on pourrait dire. Ensuite, on a Cloud Avast. C'est une avant-première d'un film franco-japonais. On a Infernal Affair, donc un film très connu d'Andrew Zlow et qui est de 2002. Et puis Les Salauds dorment en paix, un film japonais de 1960 d'Akira Kurosawa. Donc, comme vous pouvez le voir, donc beaucoup de films très intéressants pour tous les goûts, pour tous les genres. Le film asiatique a vraiment le vent en poupe depuis plusieurs années et on a une chance à Tours d'avoir ce festival, le FICAT, avec des personnes très dévouées et puis un cinéma qui est les studios, qui est un petit peu l'écrin pour recevoir ces perles du cinéma. Donc n'hésitez pas à y aller pour l'avoir fait quelques fois, ce festival est aussi très intéressant. Et puis pour terminer dans les annonces ciné, n'oubliez pas, le printemps du ciné 2025, le printemps du cinéma revient donc le dimanche 23 jusqu'au mardi 25 mars inclus. Et durant ces trois jours, les films seront au tarif de 5€ la séance. Alors c'est le moment de se faire le plein de ciné. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, ça vaut le coup de voir pas mal de films pour un prix assez modique, hein. 5€, c'est quand même pas cher, et puis c'est un film sur grand écran. Alors n'hésitez pas, c'est dans tous les cinémas de Tours. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et films à l'affiche de nos partenaires, les CGR Centre et de Lyon de Tours, sur leurs sites respectifs. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission sur notre Facebook, radioactivefm.fr. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage 230 spécial « On ira ». Le film d'Enya Barou, j'espère qu'il vous a plu, donc un grand merci à la réalisatrice pour sa disponibilité et surtout sa gentillesse, et aussi à nos partenaires, les cinémas CGR de Lyon, centre qui nous ont permis cette rencontre et de découvrir un film qui, je pense, va être un carton au box-office. Et aussi, bien sûr, tous ceux qui ont permis cette rencontre. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes pour un prochain Cinéphage. En attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye.